sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Vous êtes bien sur RKB pour Enter Brezonek, l'émission Trihon Unon à Triugen. Voilà. C'est ça? 361. Ouais. Voilà. Et alors aujourd'hui, c'est un mot qui est dérivé du français, qui a été emprunté au français, on peut dire, pratiquement tel quel. C'est le mot gare. Alors, sauf qu'en breton, on l'écrit G-A-R sans E. Et on dit aussi parfois tigare. Mm-hmm. On voit ça comme on dit tipost. Oui, tipost, titière pour la mairie. Hein, voilà. Alors, l'histoire de ce mot-là, c'est assez curieux parce que, en fait, le mot français est dérivé du verbe garer. Parce que souvent, c'est l'inverse, c'est le verbe qui est dérivé d'un nom. Et ici, c'est le nom qui est dérivé du verbe. Qui était un mot germanique, hein, du francique ancien. Et donc, qui avait le sens de prendre soin. Et de mettre à l'abri, en quelque sorte. Ah, c'est marrant, ça. Oui, voilà, garer. Hein, ouais. Comme on dit, garer quelque chose, quoi. Et alors, dans le domaine du chemin de fer, quand le chemin de fer est apparu en France, au 19e siècle, au départ, c'était ce qu'on appelle maintenant une gare d'évitement, c'est-à-dire un endroit où les trains pouvaient se croiser, puisque les chemins de fer étaient à voie unique, et il y avait des endroits où les trains pouvaient se croiser, et devaient obligatoirement se croiser. Par exemple, la gare de Plaisidy, c'était tout à fait ça, hein, c'est un endroit où les trains qui allaient de Guingamp à Saint-Nicolas pouvaient se croiser. D'accord. Donc, en fait, c'était une voie d'évitement pour les trains. Et en fait, on appelait ce qu'on appelle aujourd'hui une gare, ça s'appelait pas comme ça, ça s'appelait une halte, ou un arrêt ou une station. Et après, ça a pris le sens de gare tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et alors, ce terme de gare, donc, existait aussi sous forme impérative. Hein. On disait prendre, par exemple, gare, c'est faites attention, quoi. Oui, d'accord. Quand j'étais gamin, je me souviens, dans le pays ici, on faisait sauter pas mal de rochers et on disait gare à la mine. Hein. C'était et on faisait sauter beaucoup de rochers dans les champs à la dynamite. Ouais, il y a eu quelques accidents d'ailleurs à ce niveau-là. Donc et dans l'expression, on retrouve ça aussi dans l'expression crier gare. Hein. Mm-hmm. Il est arrivé. Gare au loup. Ouais, gare au loup, hein, gare au voleur. Bon, voilà. Alors. Donc, il y a des gares. Alors, par extension, on a utilisé ce mot-là pour d'autres endroits. Par exemple, les gares routières. Mm-hmm. Par exemple, il y a eu la gare routière de Saint-Brieuc, qui était au départ une gare de chemin de fer du petit train des Côtes du Nord, donc faite par Harel Delannoy, et qui est un restaurant universitaire aujourd'hui, quoi. Donc, une architecture ferroviaire. Alors, l'architecture ferroviaire a beaucoup marqué le 19e siècle. Hein, on en reparlera. Donc, gare de départ et terminus, hein. Mm-hmm. Terminus, hein, terme latin, hein. Voilà. Alors, par exemple, quand on parle de terminus, Guingamp a été terminus un moment de la ligne Paris-Brest. En 1863, quand le train est arrivé à Guingamp, c'était un Paris-Guingamp. D'accord. Et après, alors, on a prolongé la ligne par Morlaix jusqu'à... Et alors, selon Albert Dehay, le mot gare est apparu en breton en 1889, c'est-à-dire assez peu de temps après son apparition en français dans ce sens-là, dans ce de gare de chemin de fer. Alors, en breton, c'est un mot féminin, comme en français, donc on dit une gare, hein. Mais alors, c'est un mot féminin qui fonctionne un peu de façon curieuse, puisqu'il ne prend pas de mutation après l'article. On dit « gare ». Et non pas ahar, probablement peut-être pour différencier de la jambe, d'accord, qui est le même mot, hein, gare et féminin également. Et donc, on va dire ergar. Mm-hmm. Donc c'est un des cas rares, comme le marbre, hein, où ça ne prend pas de mutation au féminin. Alors, on a imaginé aussi, on voit des fois écrit por Sentuarn, hein, donc, parce que le chemin de fer, c'est Nentuarn, hein. Et donc un arrêt de chemin de fer, Port Sentuarn, quoi. Voilà. Alors comme c'est un mot féminin, par contre l'adjectif derrière prendra une mutation. D'accord. On va dire Orgarvian ou Ongarvras. Voilà. Donc Sentuarn. Alors les gares, hein, comme je l'ai dit, ont été vraiment un symbole du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et ça fait partie du patrimoine bâti. Hein. Alors, comme beaucoup de lignes ont été fermées, les gares ont connu un destin plus ou moins favorable. Hein. Certaines ont été rasées, d'autres ont été reconverties. Mmh. Il y en a des très belles dans le pays ici, par exemple... La gare de Rostronin, hein, qui a été conservée, qui sert à d'autres choses. Aujourd'hui, la gare de Calac, qui elle est encore en activité et qui est tout à fait semblable à celle de Rostronin. C'est les gares de la fin du 19e siècle, hein, 1898. La gare de Gouarec aussi, hein, qui est très très bien, qui a été très bien rénovée et qui est où il y a le pays d'accueil et puis d'autres. D'accord. Voilà, donc ça permet de faire de belles reconversions. Gare de Gouarec, d'ailleurs, qui va redevenir une gare bientôt, puisqu'il va y avoir un petit train. D'accord, un petit train touristique, oui, qui est en train de se mettre. Et puis, alors, il y a des gares qui sont un peu en danger, par exemple, celle du réseau des Côtes du Nord, il y a celle de l'Henri Fin, par exemple. Hein. Celle de Plaisidy a été rachetée par des particuliers, elle est bien entretenue. Bon, celle de l'Henri Fin, j'espère qu'un jour, il y aura quelque chose, parce que... C'est un témoignage et puis ça peut servir à d'autres choses. Mmh. Et puis ça fait partie du patrimoine. Voilà. Voilà, voilà pour Tigard, Argard, hein, voilà. Très bien, merci Henri. Deuxième partie d'émission, Brison Nectar m'attend. Et on passe à Brison Nectar m'attend, Chanik, la fille de la radio. Eh bien, elle va voir Marcel. Est-ce qu'on peut rappeler qui est Marcel à Zantoloc, Henri? Marcel Billand, c'est un gars qui habite à Kerbleil. Hein. Donc Kerbleil, c'est dans Zantoloc. Et puis, c'est un amateur de chevaux. Il va à toutes les foires aux chevaux. Alors, il n'y a pas longtemps, il était allé à la foire de Bulat. Mmh. Et là, il est allé à la foire de Carien. Et Chanik est retourné le voir. Ah oui. Alors, on l'écoute. Salut Marcel, venons se rencontrer. Matré, Chanik, matré. Quand vous êtes meuse des vaisseaux de se voir Vulat, mais un DL, orbe droit, se voir Kerien? Ya, Chanik, plusieurs adines m'ont de vel à Riezek, à Tiezeger Vrod, Raistol. À Kaza Gezek, et Zobet? Ya, Zur, Baroncourt, hein, ou à Spen Cannebel, à Milardar ou à Tut, Hervé Kled ou à Wardro, 16 000 dudes. Gouelet peut sa Riezek? À Endel? Ah, Endel, Chôme donne gomme merde, ag debe me skistin rostet, ag remeuse trouer staliou, ag on tombe trop ba fesde, on devez bra benerfine. Un ambzer ou a braille. Aya, bra un ambzer. On reprend phrase à phrase ce dialogue sur la foire de Kérien. Chanique demande. Salut Marcel, pénosement compte. Oui, pénosement compte, comment ça va? Matré, Chanique, matré. Très bien, Chanique, très bien. Comme ze mump, ne vaisseau de ce foire vu latte. Ya, comme ze mump, alors, en breton, écrit, on dirait plutôt comme ze onneus, hein, mais ici, on dit comme ze mump. Comme ze mump, ne vaisseau de ce foire vu latte. Nous avons parlé, ne vaisseau, il n'y a pas longtemps, de la foire de Bulat. Mais un DL, orbet roise, foire guérienne. Ya, mais un DL, orbet roise, va voir guérienne. Mais, l'autre jour, vous êtes allé encore, à la foire de Kérien. Alors, il y a une mutation, hein, voir Djerien, comme il y avait voir Vulana. C'est pas Guérien, c'est Djerien. Djerien, il y a, voir Djerien, ouais. Il y a Chanik, Plijeradin, Monda Vélodre, Kézekavron. Il y a Chanik, Plijeradin, alors j'aime bien, hein, il me plaît, Monda Vélodre, hein, après il y a toujours un infinitif, hein. Plijeradin, Monda Vélodre, allez voir, Kézekavro. Alors, Kézekavro, c'est il y a deux sens en fait, hein, c'est les chevaux du pays. Ça pourrait être n'importe quelle race, mais en fait, en général, quand on dit Tiézé-Gorvro, c'est des chevaux bretons. Parce que maintenant, dans le pays, il y a autant de chevaux qui sont pas des chevaux bretons que d'autres, hein, mais voire plus. Voilà, voire plus. Mais Tiézé-Gorvro, c'est vraiment les chevaux bretons, postier ou trait, quoi, hein, selon le gabarit et l'allure. À Calza Gézé qu'exobit. Il y a à Calza Gézé qu'exobit et il y a eu beaucoup de chevaux. Hein, calze, hein, avec un pluriel derrière, beaucoup d'eux. Ya, zur, bah, concours ou aspen quand Hubble? Voilà. Oui, au concours, hein, il y avait plus de 100 poulains. Hubble, c'est poulain. Et quand il y a un nombre comme ça, derrière, c'est un singulier. Un milliardeur et wattut. Un milliardeur et wattut. Et je vous le dis, il y avait du monde. Hervis Clevet, Wardro, 16 000 adultes zobet. Ya, yeah. Hervé Kled, Wardro, 16 000 adultes zobet, hein. Alors, Hervé Kled, à ce que j'ai entendu dire, hein, Wardro, 16 000 adultes zobet, hein, aux environs de 7 000, il y a eu. Jean. Oui, 7 000 personnes, ouais. Gwelet Pesar Yezek, à Hendal. Ya, Gwelet Pesar Yezek, hein, vous avez vu les chevaux, mais autrement, elle le taquine un peu, là. Ah, chomédon, grande me merde, à Debet Meus, Kistine Rostet. Ouais, ah. Chomedon de grand-mère, merde, je suis, alors, la formule, bien sûr, c'est un bretonnisme, hein, je suis resté avec mon déjeuner, hein, merde, c'est le déjeuner, hein, c'est, ça correspond à, en gallo, on dit la méridienne, c'est le couscreisté, quoi, hein. Merde, ça vient de là, hein, méridienne, hein, le milieu du jour, hein, le repas qui est au milieu du jour. Chomedon de grand-mère, merde, Adem Muskistin Rostet, et en plus, il a mangé des châtaignes grillées. On avait déjà vu qu'il avait un robuste appétit, hein. Un Gren Mustro Arstalio. Un Gren Mustro Arstalio, j'ai fait le tour des boutiques, enfin, des étalages, mm-hmm. Oui. Un Guntum Tro, bah, FSD. Et un petit tour au FSD. Une Deves Bra ou Benarfin. Ya, une Deves Bra ou Benarfin, une belle journée, finalement. C'est vrai qu'il y a eu une belle journée à Kérien. Ouais, beaucoup de soleil. Oui, oui, oui. Troisième partie d'émission, Petra Zonnevervro Eri. Petra Zonnevervro, Calzedrau et Veljus Werwisch Diusan. Krogum de Dianto Velkustum, Grande Labourdouar Agevu et War Armees. Erion Bremen, de Vad ben Discaramzer. Ag point de Bremen, Zerien Trevado Diusan, Das Queer, Ur Maïs, Ager Betraves. Jusmat, puis on comes de Labourdouar, Levers au Bescrive de Nevesso, Ag Imbandet, Gandau Scrivania, Philippe Madeline à Jean-Marie Morisseau, War Histoire Labourdouar. Ag Histoire Labourdouar, Trémilei Scandic à Trugen, Ag Milno Han de Catrugen, de la Rédé Ingalag en 1870-1970. Zera, War Candlam à Peswan. A part de Han de la Seu et Bitchan chez Calzedrau, War Labourdouar, Ag Vu et War Armées. Un du de zone ouat canine, pis kosor, un de sclève, sclève da gwelet pis sa mot vige la bourdouar, a gevu e war armez, vu e mot koz un temp, a calze dud war armez oa de houlse, a go labourat bazer parkeia. Mais hud un de va de chanche d'un trou. Vel meus la retar, han ve de leverze, les paysans 1870-1970. A gimban de gand ur stal imban, les arènes. Ba fin mis her e evel just ve a houlst eus eri kistin. Ur fwez eus eus ma tre, hag oblija dure e di bi Christine Rost ed war an oalet ba mis du. Ur blama an oa ran ket hag evo kalz e gistin, am eus o ven neske kalz bars, hag gwell ran le rel neske kalz. Bon, ma trezen bene bla vo mur. Pem bla war nu gen zo, ur pemzek deus e viz her e, oa bet o nons vez avel grein e breiz. Ur gorvanten. A ma trezen peu jonge de houlse, oa begred ur gandau en ge, war an ton gavoten war en afanze. La la la la la la la la la la la la no, war an ton zo, hag oa plijus ur gandau en. Met oa ke gwal plijus en trou, ka a zo oa bet distru je kalz e trou, a diskar et kalz e goi. Eru e oaz houlse, pu jo rand kont deus friz, deus eri en aval ou diouzant, a d'aubergiste. E blasen velan zo bet zo neubtor aval ou vid ur blai oel hag l'er oel zo hag zur oar vo neubtor e giz me mestra blaman oel eut vo ma veket giz vo evet bir en deel giz mad oa salon zur bir bazan igouden a zo bekal ze dut a oa kal ze blijadur bon, hag an se ma veket re giz ba vo evet bir bon, dans mon temps moa l'er na an Wardash en un endro. Calzereuse zo bet e breiz an eus gwal belzo gant na afer ur greiz en stumant vid o warriar yon meldroot. Rakrez zo bet kaset gant skipai meldroot Brest, stad Brestois, vel vela, in galak vlour. Hag bon zon je war skipai meldroot zo deus evel ur greiz en ledant evit stumant warriar yon meldroot. Hag oa ke beku d'un bet, peut dire, bon, vide meldroz ve kader an dermot, met or gud en zo. Peut dire, oa an dou ar di ba bede vid ar ze, ba plogastel, zo o bor mel ve dispisial, bor mel ve velar de, in galak velar escargo, hein, vide re zo tis ki brezonde, vejo velar maligorn, bon, hag bor mel ve ze, zo hant ve de bor mel ve de kemper, e gal hag escargot de Quimper. Hag e bor melvet ze zo gwarezet, setu neusket de neusket droet de direng nan ma peswan. Hag bon a ze zo bekal ze gudenu, hein, war ze. Ur bor melvet ze zo lont fentus war, zo bet de hanvet de djentan, pe oa bekavet Elix Quimperiana, ba bla mileis kandau a war nugen, a tregond la waler oa be hangvet latin Elona Quimperiana. Hag ze e i hang skiantel bremañ. Hag bor melvet ze, zo o fevan war dro Quimper just ma, evel just, hein, pe jor vel ar de bor melvet Quimper, mel on tamm pe bler, e breiz, l'er ve komz e brezhonek, pe so fen tizoar me mestra. Pe dur vekav pe vezel de garten e just l'er ve komz e brezhonek. Ma trez en blichtan o kled en dut komz brezhonek. A ma peskoan de vel de pesa trez neuz e londz peuske me mond de itron varia ur groaz ba pellan, a yenan zo o nan, a zo livet war, yenan zo speur an gwat, avec red ur jubé de se, hag zo laket londet ar a livet londet, hag e bor melvet ze zo arouez en dud fanyoz, en dud de houlantje labour, ma peswant, pe en dud lizour ma peswant. Hag enan zo jusmat zo belivet o bor melvet diset deus kemper, bor melvet kemper a zo livet brav. Bon, vezhen amzer gont an dar deus louzeier chimik vezhin pliet vid al arbor douar. Jonj peus pe oa begret en over en war an ton braz oa hanvet grenelle de l'environnement oa be divizet digreskin deus un nanter impli je louzeier zem. Ji oaz ne yak en traoù tambet oa an tuze, pe yo oa land e oa be kresket de stri dregan impli je louzeier chimik bro vranz. Hag ba mis vwen, ministre la bour douar, Stéphane Orvol, un deus laret ve febe diez tiz ou d'orpal da larede digreskin de hanter kant dregan impli je louzei ur chimik. Met war a zeblant de chanj e jonj, hag jonj al ra matrez en vraiment vo moyen de zisken impli je louzei ur chimik. Gwelet vo. Gwelet vo. Dan bremañ an tambre a dach en zevenadur. Daouz e glaso oa be lans war an ton braz TV Breiz. Hag de houlse, tout de pen au bras, jonge meus gwan bet ba, on em faut ba gwen gant vise, a tout de pen au bras, re o bern diskour yo arze, diskour yo entan en war an afarze, a l'ar e bon oa par e an brezon, ne pudio a TV Breiz hont de d'or o bern lab o arze. Me benefin, oa ke bepel zouben de drink, hag neus de se ne chom ke met naun tin. A benefin, bon, vraiment stal zo hon deus er iban orion hag me sang vo kasse don tam stalik penek de Paris met de Stevie Brain de chomo ke kalz dra hag ous koude oa bet ro et kalz er hang an ur hand vro er hand de me jonj vi jebe din plij et gwell ar lerel met disement ar bet vel meus la ratar pe meus lans me hon kalz dra ou ne vezo bavro hag zezo plijus me mestra da skoer ba purut oa digor d'un DL ar zal neve, ba kreiz bourg, hag zevo bouez e just tud purud hag trowar dro. A ba tre malgan, ne kepel de spurd oaz, oa digor d'un DL an espisiri, oa gret gant zo krouet benefin gant o gevridigez. Ne ke gant an den, met gant o gevridigez. Hag a zevo kavet, kalze produ tro produ et bavro vel bar a fourmage légumage kit a kalze drawel ras kave trawel a nin ke produ et bavro vel kafe hein pe yo vek gret kafe hein me beta vraiment mais de kalze draw de ze vro vek hard hag tout un trause zo mat hag zis ke mon vro au kas bevan a ne ke mervel tan matam vel jonj dern de zendu bon chomman mon tam war war dachen zivena de c'hoaz. Neus ket gwall belzo, ba oa bet ze oa vin de dezan mikel ar, oa bet ba kastel neve ar fez nons, evit de abla Louis Ebrel, neus bremañ perugen la. Hag bon, Louis Ebrel zo c'hant mat ba vro, hein, mer Eugenie Gouadek, a klevet ve Alize o kanan, granifik flatres, hag an tudel vel rameneur de menhir a bepsor mot, quoi. Ur plar an eus kaz eus tartijen, vid perugen la. Bon, ur vegel moa komz eta c'hoaz deus ur geria d'ur neve, vo imbanet pa de bla de zon, skrivet gant Francis Favreau, hag ur geria d'ur el zo war estern bremañ gant Martial Ménard, ur geria d'ur galeg brezhonek, hag bon, lever ze vo imbanet prest i c'hoaz, pu dure prest en traoù gant embenadurio palatine, de Skemper. Vichon mon tam war leveri ou ma peswan, im bande de bene vaisseau, Harry Potter, ebrezondek, troet gant Marc Guérin. Hag bod kalze dun matraez an nivou a mi meuske belen Harry Potter nag in zo, nag nag in galak, matraez an motro de len an brezondek. Hag a videchu me febe roan de gonto an tam de ze Yvon Philippe zo et den an an ou ne vaisseau, Yvon Philippe, bon zo behan ne gant kalz a dud, pe dio a meer ba kwadou, a président de Strolat Parouge ou Boulevriat, Boué ou Abécrou et d'Orstrolat par Vougeau. Hag Yvon Philippe ou a gant ba bulat a tram ne neus i vugale hag ba lokarn a ba kiergrist hag dreistol ba kiergrist hein, plutur l'ar et d'Hermand ou a deus kiergrist hag neus bon on den zeber hein, on den vige aimad gant tout den dut hag noa ke me degla trugen hein, on den gouskoude ou a treziar ou arnant hag bon un DL ba ilis boulevri hag oa oberntud hein, vide obidio. Hag bon, setu un DL, neus ke gwell belzo, moa gwell non, an iwa laret in bligedan chilao RKB. Hag chilao arre on mabad an aliz hendor brezande. Bon, setu bon, kalze dien vide Yvon Philippe. Bon, c'est-tu un temps tout pèse vel en neve bafro, avec Benvegel, voilà, d'armure, ouais. Tiens, Norvegel. Tiens, Norvegel, oui.